Si j'avais l'air, si j'avais l'air gentil, gentil, je serais de loin le type le plus entouré. Sur les bancs de la fac, le lundi, je retrouverai les mêmes personnes avec qui je suis allé prendre un verre le samedi soir. On viendrait me demander les cours où je serais allé parce que je serais étudiant. Je pourrais sortir danser jusqu'à 2h du matin sans que jamais un seul type veuille me mettre son poing dans la figure par instinct de conservation des minorités reproductrices. Et je serais pas sauvé par l'intervention divine d'un videur balèze. J'éviterais ce genre d'incident et j'aurais dans les yeux l'innocence du petit prince. Si j'étais sympathique, si j'avais l'air sympathique, si j'avais l'air, si j'avais l'air, si j'avais l'air gentil, gentil, ma petite amie me présenterait tout de suite à ses copains qui m'adoreraient bien sûr, qui me diraient pas qui se diraient que ce mec est trop, il nous le faut pour toutes nos soirées, ramène-le Brigitte, ramène-le. Je dis Brigitte, mais c'est comme ça. C'est un exemple. C'est pour vous montrer. Le patron du café me tutoierait et je trouverais ça gentil de sa part. Je mettrais au clou mes lunettes fumées et je comprendrais pourquoi. Pourquoi les gens aiment Ben Harper et j'aurais des converses au pied. Comme John Lennon. Si j'étais sympathique. Si j'étais sympathique, si j'avais l'air sympa, si j'étais sympathique, si j'avais l'air sympa.